Yeah, dans ton groupe, Salama et la connexion dans ta collection. Reggae in harmony with liberty, we play. Hey, yeah, seeing I'm a family, I feel so free with you. Yeah, fucking in a liveliness, a idleness with you. Yeah, seeing I'm a breathless, my dignity, mon cri forever. What we want is grooving, jamming every day. What I like is playing, I mean singing night and day. On rêve de paix et d'harmonie, mais la réalité est loin d'être aussi belle qu'un happy end. Dans plus belle la vie dans ce pays, ça discrimine à tout va, y compris dans la musique. Les mecs usent de fourberie et de coups bas. Ils prêchent pour leur chapelle sans ouverture d'esprit, c'est classique. S'enferment dans les clichés, prennent la pose de façon pathétique. Trop de pseudo-rasta qui mange au mato, amad mito. De 7h dans le 7h qui monte le boulot mino. Pose ton buzz de ce qu'on goûte, ça c'est du bon once. Un truc qui met à l'ouest les plus perchés, les mène à la transe. On arrive comme une mouche dans la soupe servie à l'Elysée. Reste bloqué dans le gosier de ceux qui pour régner veulent utiliser. Les pieds pris dans les monstres système nous laissent un goût. On s'associe pour rassembler tous les frères dans la danse. On avance sans calculer la distance. D'autant groove Salama et la fusion sur un beat qui défonce. Reggae in harmony with liberty we play. Hey yeah, seeing I'm a family, I feel so free with you. Fucking in a liveliness, my idleness with you. Seeing I'm a breathless, my dignity, mon cri forever. Reggae music and funky in a harmony. Play it all night when you feel irate. Open up your mind and free your body. Come in and eat it with our family. Reggae in a liveliness. Reggae in a harmony. Reggae in a harmony.